Glenarvan ajouta, il va sans dire qu'il ne s'agit pas de renoncer à accomplir notre tâche, mais peut-être serait-il prudent, à cause de nos compagnes, de rejoindre le Duncan à Melbourne et d'aller reprendre à l'est les traces d'Harry Grant. Qu'en pensez-vous, McNabbs ? Avant de prononcer, répondit le major, je désirerais connaître l'opinion d'Ayrton. Le quartier-maître, directement interpellé, regarda Glenarvan. Je ne crois pas qu'une trentaine de malfaiteurs puissent effrayer 8 hommes bien armés et résolus. Donc, sauf meilleur avis, j'irai en avant. La proposition de ne rien changer au programme du voyage fut mise aux voix et passa à l'unanimité. Le lendemain, la petite troupe, armée et prête à tout événement, quitta Seymour. Une demi-heure après, elle rentrait dans la forêt d'Eucalyptus. Et le chariot se faufila pendant toute la journée entre les grands arbres monotones. Le soir, il franchit le 146e méridien et l'on campa sur la limite du district de Murray.